بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى بعد انقطاع هذا الدرس قبل شهر رمضان نستأنف في كتاب فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. دونك بإذن الله تبارك وتعالى nous reprenons les durus sur les belles perles de l'imam Shawkani expliquées par le cheikh Ali ibn Mukhtar Aramli, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, le grand chapitre, Kitab al-Salah. Et, bismillah, le dernier chapitre que nous avons vu, c'est Qada al-Fawaid. Comment rembourser les prières que nous avons manquées. Et on a expliqué cela. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Celui qui veut plus de détails et de compréhension, qui se retourne au cours précédent. Aujourd'hui, le chapitre que nous allons voir, c'est le chapitre de la Jumu'ah. Babu Salatir Jumu'ah. Le chapitre, la prière de la Jumu'ah. قال المصنف رحمه الله. L'auteur du livre dit, وَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ أو إلا المرأة والعبد والمسافر. Donc, la prière de Jumu'a est obligatoire sur tout mukallaf. Mukallaf, c'est tous ceux qui sont pubères. Ça va? Tous ceux qui sont pubères au mukallaf. C'est-à-dire, leurs bonnes actions, leurs mauvaises actions sont notées. Ils sont chargés de leurs actions. Donc, la salat de Jumu'ah, la prière de la Jumu'ah du vendredi, est obligatoire sur tout mukallaf, tout pubère, sauf la femme, l'esclave et le voyageur. Mais ici, il n'a pas dit as-sobi, comment? Wal-marid, nam, et le malade, nam. Ici, il n'a pas mentionné As-Sobi. Parce que le Sobi n'est pas Mukallaf. Taïb, il a dit la Surat al-Jumu'ah est obligatoire sur tout Mukallaf, sauf la femme, l'esclave, le voyageur et le malade. Donc, voici cette partie. Surat al-Jumu'ah. La prière de la Jumu'ah, ma'roufatun, c'est connu. Wa hiya faridatun min fara'idillahi tabaraka wa ta'ala. C'est une obligation parmi les obligations d'Allah. Qala azza wa jal, Allah le Très-Haut dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumu'ah, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, Fas'aw, empressez-vous, ila zikrillah. Au rappel d'Allah, wazaru al-bay. Wazaru ici, zara'a, c'est délaisser. Laisser le commerce. Wa qala, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-jum'atu haqqun wajibun. Le vendredi, est un droit obligatoire à la kulli muslimin. C'est tout musulman fi jama'atin, dans la prière en groupe, c'est-à-dire ça doit se faire en groupe. Illa arba, sauf quatre groupes de personnes. Abd mamlouk, l'esclave, ou imratun, ou bien la femme, ou sobi, ou l'enfant, ou marid, ou bien le malade. Wa haoula alladhina zakara, ceux-là qu'il a mentionné, la tajibu alayhimul jumu'ah, ceux-là, la jumu'ah n'est pas obligatoire sur eux. Walam yazkuru al-musannif, l'auteur du livre n'a pas mentionné as-sobi, l'enfant. Li'annahu ghayr mukallaf, car l'enfant n'est pas mukallaf. La bi jumu'atin, il n'est pas mukallaf, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour lui de prier la jumu'ah, wala bi ghayriha, et ni autre que cela. Fa'innahu marfu'un anhu al-qalam. La plume est levée sur lui, hatta yahtalim, jusqu'à ce qu'il ait la puberté. Donc, quelle est la preuve qui montre que la prière de la Jumu'ah est une obligation? Premièrement, c'est le verset qu'on vient de voir. Et deuxièmement, c'est le hadith qu'on vient de voir. N'est-ce pas? Ce hadith, il y a beaucoup de paroles autour de ce hadith, mais le cheikh Ali Rami dit, وقال شيخنا الواضعي c'est-à-dire notre cheikh Mukbil, il dit هذا حديث صحيح, il dit c'est un hadith qui est authentique, mursal, c'est-à-dire c'est un hadith qui est sahih, mais c'est mursal d'un sahabi, c'est-à-dire ça se limite à un compagnon, wa mursal maqbul, et le mursal est accepté, لأن الصحابة كلهم عدول, car tous les compagnons sont dignes de confiance. Ça va? Et ça se trouve aussi dans Sahih Sunan Abi Daoud. Cheikh Albani aussi a authentifié ce hadith. Donc voici les deux preuves que nous avons qui montrent que la Salat al-Jumu'ah est obligatoire sur tout musulman. D'abord, le verset même suffit. Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'a fas'au. Ici c'est Amr, n'est-ce pas? Fas'au ila zikrillah. Le zikrullah ici c'est quoi? C'est la salat du Jumu'a. Wa zarul bay. Et délaisser le commerce, c'est-à-dire les ventes et les achats. Voyez? Donc, ce verset même suffit. Si on vous demande quelle est la preuve qui montre que la salat du Jumu'a est obligatoire, c'est aux musulmans. C'est ce verset. Maintenant, de façon générale, tout musulman, mais excepté la femme, qui? L'enfant, l'esclave, le voyageur et le malade. Ça va? Amma al-musafir, quant au voyageur, fas-sawabu, ce qui est authentique, parce qu'il y a une divergence. Mais ce qui est authentique, annahu la jumu'ata alayhi, il n'a pas de jumu'ah, c'est-à-dire s'il voyage, quelle que soit la distance du voyage, madama yusamma fi urfikum safar, tant qu'on appelle dans cela, dans votre jargon, dans votre coutume chez vous, on appelle cela voyage, comme quelqu'un qui quitte ici jusqu'à Azopé, on appelle cela voyage. Quelqu'un qui quitte ici jusqu'à Azagé, on appelle cela voyage. Mais ce n'est pas conditionné par nombre de kilomètres, comme certains savants le disent. Ce qui est connu comme étant un voyage est un voyage. Donc si tu te déplaces là, Jumu'ah Tariq, il n'y a pas de Jumu'ah pour toi. Pourquoi? Daliluhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في حجة الوداع. Il a prié Zuhr et puis Asr dans son serment et enfin dans son hajj d'adieu, يوم عرفة. Le jour de عرفة, وكان يوم جمعة. Et c'était le vendredi. Mais il n'a pas prié le vendredi ce jour-là. Parce qu'il était considéré comme étant Musafir, un voyageur. Hada dalilukum, voici la preuve. si on vous pose la question, pourquoi le voyageur doit, ce n'est pas obligatoire pour lui, tazkuruna hadha. Donc, le hadith est rapporté par l'imam Muslim d'après Jabir ibn Abdullah et rapporté aussi par l'imam Bukhari d'après Omar. Ça va? Tayyib. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit: وهي كسائر الصلوات. La prière du vendredi est comme toutes les autres prières. لا تخالفها. La prière du vendredi ne contredit pas les autres prières. إلا sauf une seule chose qui se trouve dans le vendredi qui n'est pas dans les autres. في مشعورية الخطبتين قبلهما. C'est-à-dire le fait que deux khutbas ont été légiférés avant la prière. Khutbatayn, c'est-à-dire, c'est une seule khutba, mais il y a une assise qui les sépare. Ça va? Salatul Jumu'ah, rak'atan. La prière du vendredi, c'est deux rak'ah. Car rak'atayl fajr, comme les deux rak'ah de fajr. La farqa siwa annahu yushra'u qablahuma khutbatan. Il n'y a pas de différence, seulement que salat al-jumu'ah, il est légiféré de faire deux khutbah avant la prière de jumu'ah. Sinon, la prière de fajr c'est deux rakat, la prière de jumu'ah aussi c'est deux rakat, n'est-ce pas? Wal khutbatani min salat al-jumu'ah. Les deux khutbah de la prière de Jumu'ah, alors wa hukmuhuma annahuma wajibatan. Leur jugement, c'est que les deux khutbah sont obligatoires. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala min sajid Allah sallallahu alayhi wa sallam harrama al-kalam wal imam yakhutub. A interdit de parler pendant que l'imam fait la khutbah. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim du hadith de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha yadullu, cela montre ala wujub al-istima' ilayhima, l'obligation d'écouter les deux khutbah. Fa yadullu zalika ala wujubihima, et cela montre aussi leur obligation. Wa huma min dhikri Allahi al-ma'mur, et ces deux-là font partie du rappel d'Allah qui est ordonné de s'empresser pour aller vers elle le jour du Yom al-Jumu'ah. Dans le verset Wala di fasa'awila zikrillah. Somma, ensuite, law tajibu laha al-khutbatan la kanat ka ghayriha min as-salawat. C'est-à-dire, si les deux khutbas n'étaient pas obligatoires, la Jumu'ah allait être comme les autres prières. Il n'y aura pas de différence. Wala yastafidu an-nas min at-tajammu' ilaha, et les gens ne vont pas profiter du rassemblement à cause de cela. Wal muradu min at-tajammu'i, ce qui est voulu par le tajammu' li hadhihi as-salat, pour cette prière, ce qui est voulu du rassemblement pour cette prière, c'est quoi? Al-maw'iza, l'exhortation. Wa tazkir an-nas, et rappeler les gens. Ça va? Nam. Il y a deux khutbah. Dans la Jumu'ah, c'est khutbah tan. L'imam s'arrête, il fait khutbah, il s'assoit. Et il fait une autre khutbah. Ça va? Tayyib. Summa innahu alayhi salatu wa alayhi salam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi salam wa dhaba. Il est resté assidu à la khutbatayn fi al-Jumu'ah. Le reste assidu sur les deux khutbah dans la Jumu'ah, wa hadha bayanu li sifati salat al-Jumu'ah. Voici la clarification de comment faire la prière de Jumu'ah. Fala tasihhu al-Jumu'ah illa bihima. La Jumu'ah ne peut être correcte qu'avec les deux. Je vous rappelle que cette mas'ala, ce n'est pas une mas'ala khilafiyya. Mais certains savants disent que il peut souvent faire une seule khutbah. Wa yatuna bi hadith. بعضهم يضعفون وبعضهم يصححون ولكن الأسلم سي لدو خطبة مفهوم؟ فسكيا الأسلم. وقول المصنف la parole de l'auteur du livre. وهي كسائر الصلوات la prière de Jumwa est comme les autres prières. يدل على أنها لا يشترط لها الإمام الأعظم. Cela montre que il n'est pas conditionné pour la Jumwa que vienne faire prier la Jumwa le plus grand imam. Comme dans certains contrées, c'est le plus grand imam du secteur, de la province, du département qui doit faire la salat al-Jumwa avec les gens. Kama yaqulul ba'd, comme certaines personnes le disent. Wa la al-'adad al-makhsus, et aussi il n'y a pas un nombre connu de façon spécifique, parce que les savants se divergent sur le nombre de personnes qui doivent participer à la Jumwa. D'autres disent au-delà de 10, au-delà de d'autres disent 10 personnes, d'autres disent au-delà de cela. Donc mais il n'y a pas un nombre bien connu. Qui y en a qui doivent venir du mois, mais il y a le akal, comme on va le voir, le nombre y en est inférieur, ça va, pour faire la prière du mois. Et aussi wala al misrul jamia, et aussi ni aussi ce n'est pas conditionné que il y ait, c'est-à-dire cela soit fait dans une ville qui est rempli d'hommes. Ça va? Ce qui veut dire que si vous êtes quelque part, vous êtes allé là-bas, vous n'êtes que... On va terminer d'abord ce côté avant de donner cet exemple-là. Donc il dit, فَكُلُّ هَذَا لَا دَلِيلُ عَلِي. Tout cela, il n'y a pas de dalil sur cela. وَلَكِنْ يَشْتَرِتُ لَهَا الْجَمَعَ. La Jumwa est conditionnée par la Jama'a. Les hadiths mutaqaddim, à cause du hadith qui a précédé. Wa aqalluha, maintenant le nombre inférieur de la jama'a, c'est salasa, c'est trois personnes, mimman tajibu alayhim al-jumu'a, ceux que la jumu'a est obligatoire sur eux. C'est-à-dire s'il y a deux personnes et puis un enfant, là. Ça va? Ça c'est concernant la divergence qu'il y a entre les savants. Parce que d'autres savants disent que salat al-jama'a yana akdubi isnan wa hada wa sahih isnan, mais salat al-jumu'a on a besoin de l'imam et puis deux autres personnes. Ça va? Hada la sahih. Donc ici on peut faire la jumu'a à trois personnes. Voyez. Et l'exemple que je voulais donner, c'est que il se peut que dans un village, ou bien quelque part, ou bien dans un campement, il y a seulement que 4 personnes, 5 personnes. Ceux-là, ils ne sont pas obligés d'aller en ville pour faire les deux mois s'ils ont déjà une mosquée. S'ils ont une mosquée, ils peuvent faire les deux mois. Même si, après l'imam, c'est 2 personnes qui s'assoient pour écouter. Il n'y a pas un nombre à la sahih de façon authentique qui est connu. D'autres disent 40 personnes à la kessir. Ça va? D'autres disent moins que cela avant de faire la jumwa à la kessir. Voilà pourquoi il y a certaines mosquées, ils peuvent faire la jumwa, mais à cause du nombre de personnes peut-être qu'ils ont, ils évitent de faire la jumwa. Et d'autres même délaissent la salat de jumwa à cause de ça. Ils peuvent se trouver dans un village, ils n'ont pas la capacité de sortir pour aller loin, dans les grandes villes pour faire la Jumwa. Et ils ne veulent pas faire la Jumwa chez eux. Donc, haoulaï attalou al-Jumwa. Ils ont délaissé la Jumwa, bidalil infasi, à cause d'une preuve qui est erronée. Ça va? La Bouddha yukimu al-Jumwa, même s'ils ne sont pas beaucoup. Tayyib, qu'Allah nous accorde la compréhension. Non. Il y a un qui demande ce qu'il faut autorisation d'un grand imam avant d'ouvrir le Jumu'a. Ah bon? Un dalilum. Où est la preuve? Ceux qui demandent, il faut l'autorisation des grands imams avant d'ouvrir le Jumu'a. Un dalilum. S'il y a quelqu'un qui a déjà la capacité, il y a déjà une mosquée, alors il dresse la Jumwa. Et il n'y a pas histoire d'ouverture pour faire la Jumwa. Kulwahadabida. Vous allez trouver, souvent même dans les associations des sunnites, ils vont faire les ouvertures de mosquées, ils vont même mettre des trucs et puis ils viennent comme ça, comme ils prennent ciseaux pour venir faire ouverture, ils font une fête autour. On ouvre la mosquée avec quoi? As-salatoufi. On dit aux gens, on va commencer la prière. Voilà l'ouverture de mosquée. Mais toute une cérémonie autour de cela est une innovation. La aslala. Ouverture de Jumwa, toute une cérémonie autour de cela, la aslala. On ouvre Jumwa dans la mosquée en faisant la première Jumwa. La première Jumwa. Intaha al-mawdu. Allah nous accorde la compréhension. Allah kambe sawabama. Toi, c'est bon? قال المصنف ووقتها وقت الظهر le moment de la Jumwa c'est le moment du Zohr de la prière du Zohr ça va لكونها parce que la situation de la Jumwa c'est badalan an al-Zohr ça vient remplacer Salat al-Zohr parce que si on finit de prier Jumwa on ne prie plus Zohr. Ou bien, peut-être il y a des gens qui disent que non, qu'ils ne peuvent pas délaisser Zohr à cause de Jumwa. Donc ils décident de ne pas faire la Jumwa et maintenir Zohr. Je me demande comment ils expliquent ce verset qui est dans le Coran. Ils annoncent qu'il y a des salats min yaoumil. Comment ils expliquent? Allahu al-Musta'an. L'égarement. L'égarement commence petit à petit, après ça devient autre chose. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. وَاَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ Les gens de science se sont divergés. هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّ قَبْلَ الزَّوَالِ الشَّمْسِ Est-ce que c'est permis qu'on prie la Jumwa avant que le soleil ne quitte le zénith? Ça va? Avant que le soleil ne quitte le zénith, c'est-à-dire avant que le soleil ne s'incline. Ça va? Alors, Jumhur Ahlul Ilmi, la majorité des savants, ala anna waqtuha waqtu zuhr. Ils disent que son moment est le moment de zuhr, wa la tasihhu qabla zawal. Et ce n'est pas permis de faire la Jumwa avant le zawal, avant que le soleil ne quitte le zénith. Vous comprenez? Tayyib? Et c'est ce qui est le plus authentique. Fal ahadith alladhi yastadillu biha al-mukhalifun, les hadiths sur lesquels se basent ceux qui contredisent, muhtamalatun, ce sont les hadiths qui sont muhtamala, c'est-à-dire qui impliquent beaucoup de choses, wa laysat wadih. Et ce n'est pas des hadiths clairs qui viennent sur cela. Fima zahabu ilay, dans ce sur quoi ils sont, dans ce vers quoi ils sont allés, les hadiths ne montrent pas cela clairement. Fala tufi dhulabat az-zann, donc d'avoir une grande pensée, c'est-à-dire une pensée qui prend le dessus, ne suffit pas pour le dalil. Ça va? Wa minha, il y a parmi ces hadiths ma huwa da'ifun, ce qui est da'if. L'imam Bukhari bawwab al-Bukhari fi sahih. Bukhari, il a fait un chapitre dans son authentique Bab, il a dit Bab waqtu jumu'a iza zalat shams. Bukhari, c'est l'une de ses spécialités. Il a un hadith, mais son tarjama déjà montre ce qui est dans le hadith. C'est-à-dire son tabouib montre déjà ce qui est dans le hadith. C'est-à-dire Bukhari, lorsqu'il fait un chapitre, directement ne demande plus l'explication des hadiths qui vient. Parce que le chapitre te donne directement la compréhension des hadiths. Ça va? Et même souvent, il envoie des versets. Ça va? Tel que par exemple, il dit Bab, al-etikaf fi kulli masajid. L'etikaf dans toutes les mosquées. Et il envoie le verset Wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil. Il t'a donné la compréhension du verset déjà. qui montre que l'itikaf est permis dans toutes les mosquées. Ça va? C'est un débat. C'est pas un débat. C'est pas une divergence. C'est une divergence. Voilà qui le qawl sahih, Allah musta'an. C'est que la majorité, tous les quatre mazahib sont allés dessus. Tous les quatre mazahib. C'est ce que l'imam Bukhari a dit. Tayyib? Non. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ici, l'imam Bukhari a fait ce tabouib et il a dit, qu'Allah kada, il a dit ceci, yuzkaru an Umar wa Ali wa Nu'man bin Bashir wa Amr bin Hurais wa Zakara Ahadith. Il mentionne de tous ceux-là que la salat du Jumu'ah, son moment, c'est après le Zawal. قال المؤلف رحمه الله نعم oui bien sûr ça peut changer l'heure de Jumu'ah peut changer selon le changement de l'heure de Zuhr نعم mais généralement midi 30 pour la khutbah de Jumu'ah ça ne sort pas généralement de l'heure de Zuhr ça va. Généralement, ça ne sort pas. Voilà pourquoi les gens préfèrent garder une heure fixe. À notre époque aussi, les gens, là au Moustahan, se basent beaucoup sur l'heure. Mais normalement, on doit se baser sur les hasards. Mais le problème, c'est qu'on n'entend même pas. Ça va? En ville, surtout, il y a tellement de bruit où les gens ils n'entendent pas. Généralement, si vous avez remarqué, vous entendez l'hasard. Que lorsque c'est Fajr, le coin est vraiment calme. Là, tu entends les azans un peu partout. Mais généralement, en ville, Maghrib, azan même, généralement, c'est pas facile. Tu n'entends presque pas. Donc, on met l'azan dans la mosquée, on met une heure qui est conforme. Et là, jusqu'à la fiada. Mais le mizan, c'est le azan. On se base sur les azan. Voyez. Donc, c'est une sunna même de changer l'heure de l'entrée de l'imam. Si souvent, parce que souvent le zawal même, c'est à partir de midi. Non, 15 même, c'est souvent éloigné. Souvent, c'est à partir de midi 5 même. Le zawal. Souvent, c'est à partir de midi 5. Donc, si le zawal est midi 5, disons que il faut ajouter seulement que 15 minutes. Et on se trouve à combien? Midi 20. L'imam peut rentrer à midi 20. Ça va? Et faire la khutbah jusqu'à midi 40-45. Et puis faire la prière. Mais le problème, c'est que quand tu vas mettre cela, il y a des gens qui font les programmes. Si c'est quelque chose qui est de façon fixe, ça peut beaucoup profiter. Mon ami, viens t'asseoir ici. Tayyib, qu'Allah nous accorde la compréhension. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit encore. وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس تخطى ses piétiner. Celui qui assiste à la Jumu'ah ne doit pas piétiner les gens. رقاب الناس c'est une ibara qui veut dire les gens. Sinon il ne peut pas piétiner le cou des gens. Il va marcher sur le cou comment? S'il a marché sur le cou de quelqu'un, Fumer va sortir de la mosquée. Ou bien. Mais ça veut dire riqab an-nas, c'est-à-dire sur les gens, piétiner les gens. Donc celui qui assiste à la Jumu'ah ne doit pas piétiner les gens. Ça va? Il ne doit pas piétiner les gens. Les nahi nabi sallallahu alayhi wa sallam an zalik, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Qala Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr dit, Ja'a rajulun, un homme est venu, yatakhatta riqab an-nas. Il a commencé à piétiner les gens, yawmul jumu'ah, pour aller devant. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhtub, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutba, le serment, faqala lahu rasulullah, rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ijlis faqad azayta. Ijlis faqad azayta. Il dit, assois-toi quand tu as fait du tort. وأذية المؤمن محرم Et faire du tort aux musulmans, aux croyants est interdit, n'est-ce pas? Faire du tort aux croyants est interdit. Wa yustasna min dhalika al-imam, mais on accepte l'imam ici. L'imam, c'est une exception. Idha lam yumkinuhu al-wusul, s'il n'est pas possible pour lui d'arriver à son endroit. Illa bidhalika, que par cela, wa makanuhu mutaqaddim, et son endroit est devancé devant falabudallahu min, et il est impératif pour lui qu'il passe, il essaie de passer, dit aux gens de pousser, hein, afin de arriver à son endroit. Ici, taqatti riqab an-nas, quand on dit piétiner, c'est-à-dire c'est pas forcément aussi marcher sur eux qui est interdit, mais c'est-à-dire les déranger, les sauter, les déranger, souvent même pousse, j'ai passé. Hein? On voit certains coins comme ça. L'imam est rentré. On trouve des gens qui sont d'après une sécurité de la mosquée. Auzubillah. Lui va passer toute sa djoumou en train de dresser les gens. En train de dresser les gens, dresser. L'imam en train de faire la khutbah, lui dresse. On va arriver sur cela. Toyeb. Donc l'imam accepte. Wayajuzu kazalika takhati. Écoutez, c'est permis aussi de sauter et de déranger des gens. L'imam wajada furjatan walam yajid makanan. Il a vu une place devant. Et les gens ont délaissé cette place-là et sont venus coincer derrière. Maintenant, lui, comment arriver à cette place? Ça va? Mais il n'a pas trouvé de place pour passer. Donc, il fait le takhati pour atteindre cette place parce que la faute n'est plus à lui. Ou bien, il y a un taqsir, car le manquement, là, yakunu minu, ça vient pas de lui, mais ça vient de qui? Là, qui mim mantara kal furja. Ça vient de celui qui a laissé l'espace. Là-bas. Fawa sababu taqati, c'est lui qui est la cause. Hein? Du fait que l'autre, il est venu monter sur les gens. Wa laysa al-mutakhati, c'est pas celui qui a marché. Ça va? Tayyib. هذه مسألة واضحة سيكلير طيب قال المؤلف لوتر ليف دي وان ينصت حال الخطبتين يدوا سيتير او مومون دي دو خطبه يدوا سيتير اقول حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه Si tu dis à ton compagnon qui est à côté de toi le jour de la Jumu'ah, ainsi, tu lui dis tais-toi. Ou l'imam yakhtu, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, il faut qu'on ait la raouta. Tu as parlé. Moutafakunale. Hadith unanimement reconnu authentique. C'est-à-dire, la raouta bimana, tu es rentré dans ce qui est interdit. Allahu Akbar. Où sont ceux qui acceptent sécurité de la mosquée? Non, ils peuvent dresser les gens, même si l'imam est rentré. Même les anges qui écrivent. Quand l'imam rentre, ils font quoi? Hein? Ils viennent écouter. Hein? Toi, tu dresses. Hein? Souvent, ils coincent les gens, Allah Moussa. Ils coincent, c'est-à-dire, tu es assis, on dirait, tu es dans une boîte. Tu peux pas bouger. Dans d'autres mosquées, c'est ça. Parce que eux, leur mosquée n'est pas grande. Donc, ils doivent mettre tout le monde. Donc, ensuite, ça c'est une cause même pour faire fuir les gens de la Jumu'ah. Parce que le gars ici n'est pas habitué à ce genre de choses. Quand tu viens le coincer comme ça, demain là, ça serait difficile qu'il revienne là-bas. Si tu sais quelqu'un qui ne veut pas prier, là, il dalil. Ou bien? Donc c'est comme ça, il croit. Hadalah 12. Laissez les gens venir dans leur rang. Maintenant, après, avant la rentrée de l'imam, on peut trouver des gens qui vont dire, allez-y devant, indiquez. Allez-y devant, asseyez-vous là-bas. Mais souvent, la personne, il est là, on le fait lever. Toi là, va là-bas. Toi, va ici. Toi, va ici. Hada amru mashbou jiddan. Nam. Tu n'es pas obligé. Surtout si tu sais que tu es assis à une position qui est favorable pour toi. Par exemple, dans certaines mosquées, si tu te trompes pour aller t'asseoir dans le premier rang, lorsque le vrai propriétaire du premier rang vient, on te dit, bouge, va là-bas, le premier rang. Je ne bouge pas. Je suis là. Surtout, le mérite du premier rang. Ou bien, adonou min al imam, le fait de se rapprocher de l'imam, c'est ce qui est demandé yom al jumwa. Et c'est ce qu'on va voir ici. Non? Imam, je veux savoir, il y a un imam qui m'a fait ça dans une mosquée à 13 jours. C'est-à-dire, il était l'heure de la prière. Moi, j'étais juste derrière l'imam. Mais lui, il était à côté de moi. Maintenant, il m'a dit, moi, de quitter là, il a pris un de ses éléments derrière pour venir. Pour ne pas créer la fitna, tu quittes là. Non. Sinon, il là, c'est ton droit. C'est ton droit. Il n'est même pas permis de faire sortir quelqu'un dans un rang à cause d'une personne. La seule place, si tu allais occuper, c'est toi-même qui as provoqué, c'est la place de l'imam. Ou bien, si toi tu viens et puis c'est la place de l'imam, tu vas t'arrêter dessus. Ah, si on t'a pris et puis on t'a jeté dehors, faut pas te plaindre. Mais le fait de s'arrêter derrière l'imam, le fait de s'arrêter là, jusqu'à, sauf si c'est un enfant. Parce que le prophète sallam dit le yalini minkum ulul ahlami wa annuha. Que reste derrière l'imam ceux qui sont pubères. Ça va? Faillir? Non. Et si tu viens mettre ta fille en 11h, tu viens mettre ta fille là-dedans, alors que tu veux s'asseoir. Tu fais comment? Tu peux enlever ta fille? Il a réservé sa place, on ne réserve pas la place. Tu plies le tapis, tu déposes. Et puis tu t'assois. Tu n'as pas créé fitna. Si on laisse ce genre de choses, dans certaines mosquées, parce que certains viennent comme ça, ils déposent leur tapis à la première place, et puis ils sortent. Ils s'en vont se promener. Souvent, mais ils déposent tapis, et puis certaines choses. Maintenant, comme ils ont vu que les choses qu'ils déposent là, les gens volent, donc c'est tapis seulement, ils déposent tapis, et puis ceux qui utilisent les chapelets là, ils déposent les chapelets. Et puis il ajoute un Coran. Pour qu'on sache que c'est la place de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ce genre de cas-là, ce qui est légiféré, c'est qu'il doit vraiment faire l'effort. Il doit faire l'effort vraiment de prendre une place qui est dans son avantage le jour de Jumu'ah. S'il vient trouver que la première place est vide, même s'il y a des tapis, il s'assoit. Il s'assoit. Et ceux qui viennent n'ont pas le droit de l'enlever à sa place. Est-ce que vous comprenez? Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, laissez, ne vous fatiguez pas. Laissez. Ensuite, non, ça va. Les hadiths d'Abi Hurayra radiallahu anhu qui dit, et c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ensuite, wa an Abdullah ibn Amr, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man igtasala yawm al-jum'ah, wa massa min tib imratihi, in kana laha. Il dit, celui qui se lave, yawm al-jum'ah, et massa, c'est-à-dire il se frotte avec le parfum de son épouse, si ce parfum l'appartient. Walabisa min sali siyabi, et porte ses plus beaux vêtements. Summa lam yatakhatta riqab an-nas, ensuite il n'a pas piétiné les gens. Walam yalgho, ici ils ont mis yalgho, c'est yalgho inda al-maw'iza, c'est-à-dire il n'a pas été distrait lors de l'exhortation. Kanat kaffaratu lima baynahuma, alors ses péchés seront pardonnés entre les deux jumu'ah. Wa man lagha, mais celui qui a été distrait, wa takhatta riqab an-nas, et a marché sur les gens, kanat lahu dhuhran, celui-là il aura seulement la prière, le mérite de la prière du zohr, pas de jumu'ah. Alors ici ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud et Ibn Khuzaima dans son authentique. Falkalam asna al-khutbah, parler pendant la khutbah muharram est interdit, wa mubtilun lil ajr al-jumu'ah, et annule la récompense de la jumu'ah, wa qad ta'addu li sahibiha zuhran, et la personne il sera considéré comme s'il a prié la prière des zuhr. هذا حديث صحيح. طيب, on va peut-être dire non, est-ce que réellement il a zour, c'est ce que le professeur a sûrement dit. Même si tu as prié la Jumu'ah, que tu as parlé, tu as dérangé, alors tu auras là que la récompense des zour. Voici ton châtiment. Wal maqsud bil lagh, ce qui est voulu par le lagh ici, al-batil al-mardoud, c'est le faux et ce qui est rejeté. Fawa kullu ma yashghalu an al-insat ila al-khatib, tout ce qui occupe la personne pour ne pas se taire et écouter l'imam. Ça va? Tout ce qui l'occupe. Il y a en cela les téléphones, par exemple. Tu vois, certains, ils sont sur leur téléphone. Ça va? Non. Tout ce qui occupe. Yadkhulu fil lagh. Kullu ma yushghilu an al-insat ila al-khatib. Tout ce qui occupe. Parce que quand tu es sur le téléphone, tu es sur le téléphone et tu n'écoutes pas le khatib. Wa asluhu al-batil al-mardud. Ce qui est la base, c'est que c'est al-batil, le faux et le mardoud. Tayyib, قال المؤلف رحمه الله ونودب له التبكير. Il lui est recommandé de faire le tabkir. Ça va? Avant de rentrer dans cela, je me rappelle vous avoir dit à dire à qui de charger la chose depuis Zohr. Depuis Zohr, j'ai dit charger cette chose-là. Et ça n'a pas été chargé comme il se doit. Donc, l'auteur du livre dit, il est recommandé d'aller vite. Alamana at-tabkir. Ça va? Bakara yubakiru tabkir. Aller vite. Aïe, c'est-à-dire, istahabbalahu an yatiya al-jumu'a mubakiran. Il est recommandé de venir يوم الجمعة فيت لقوله صلى الله عليه وسلم أكوز la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة celui qui se lave يوم الجمعة dans la voie de la janaba ثم راح ensuite il s'est précipité فكأنما قرب بدن يعني بدنة qui est la chamelle. C'est comme il a donné à Noumoun une chamelle. Wa man raha fi sa'ati thaniya, celui qui va dans la deuxième heure, fa ka'annama qarraba baqara, il est comme celui qui a donné à Noumoun une vache. Et celui qui va à la troisième heure est comme celui qui a donné à Noumoun un bélier. Celui qui va à la quatrième heure est comme celui qui a donné une poule à sadaqa. Et celui qui va à la cinquième heure est comme celui qui a donné un œuf. Faïda kharaj al-imam, si l'imam rentre, hadarat al-mala'ika, les anges viennent, yastami'un al-dhikr, écoutez le rappel. Muttafaqun alayh. Ce hadith est unanimement reconnu, authentique. Tayyib. Wa al-dhahir, ce qui est apparent, wallahu a'lam, et Allah est le plus savant, anna sa'at al-oula, la première heure de Jumu'ah, c'est min ba'di tulu'i shams. Après le lever du soleil, voici la première heure de Jumu'ah. Li'anna al-waqt qabla dhalik, car le temps avant cela, c'est waqt salat al-fajr. C'est le temps de la prière des fajr. Donc tout le temps qui vient maintenant, on calcule après le lever du soleil, la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, la cinquième heure, ainsi de suite. Tayyib. Ensuite, qala wa tatayyub wa tajammul wa dunuw min al-imam. Wa tatayyub, le jour du vendredi, c'est de se parfumer. Wa tajammul, et de s'embellir. Wa dunuw, et de se rapprocher min al-imam, de l'imam. Donc avant de rentrer dans cela, ici, nous avons vu déjà quelques masa'il, tels que le fait de se taire lorsque l'imam fait la khutba. Et celui qui parle, il aura la récompense de dhuhr. Ça va? Mais pas la récompense de la jumu'a. Tayyib. Et al-laghu, on a traduit par quoi? Par tout ce qui occupe celui-là de ne pas écouter l'imam. Tayyib. Naam. Qala wa tatayyub, il dit l'embellissement, et afwan, le fait de se parfumer, de s'embellir et de se rapprocher de l'imam. C'est-à-dire, yastahibu aydan liman yatil jumwa, c'est préférable pour celui qui vient à la jumwa an yatatayyaba, de se parfumer. Wa huwa alladhi nusammihi al-yawm al-atira, c'est ce qu'on appelle al-atira, qui est le parfum. Fayastahibu lahu an yata'attar, il est préférable pour lui de se parfumer. Wa yalbas jamil thiyabi, et porter les beaux vêtements, les beaux, yani ce qui est beau de ses vêtements. Wa yataqarrab min al-imam, et se rapprocher de l'imam. Quand on dit porter le beau vêtement, ce n'est pas forcément le blanc. Parce que les gens imaginent que le vendredi, il faut forcément porter le blanc. Le vêtement qui est beau parmi tes vêtements, que tu n'as pas l'habitude de porter tous les jours, parce que tu le tiens de façon précieuse, c'est ce que tu dois porter le jour de la Jumu'ah. Pour mettre une différence entre ce jour-là et les autres jours. Tayyib. Amma tib. Quant au tib, faqad taqaddama fi hadith Abdullah ibn Amr. C'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, ma yadullu ala istihbabi, ce qui montre son caractère préférable. Waja fi sahih, et c'est venu dans l'authentique d'après Salman al-Farisi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la yaghtasilu rajulu yawm al-jumu'ah, aucun homme ne se lave le jour de la jumu'ah, wa yatatahhar, et se purifie, mastata'a min tuhr, de ce qu'il peut parmi les purifications, wa yudahhin min dahni, c'est-à-dire se parfume, ou yamassu min tibi baytihi, ou bien touche le parfum de sa maison, summa yakhruju, ensuite sort, fala yufarriqu bayna ithnayn, il sépare pas entre deux personnes, summa yusalli ma kutiba lahu, et prie ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, summa yansit, et ensuite il s'éteint, il attaqallam al imam, lorsque l'imam parle, il la ghufira lahu ma bayna wa bayna jumu'at al-ukhra, sans que ses péchés ne soient pardonnés entre cette Jumu'ah et la Jumu'ah qui vient. Dans ce hadith, certains savants ont pris ici comme dalil pour dire wa yusalli ma kutiba lahu. Certains salaf, lorsqu'il arrivait à la Jumu'ah, il priait jusqu'à la rentrée de l'imam. Il faisait deux rakat, jusqu'à la rentrée de l'imam. Ça va? Et ils prennent le dalil dans ce hadith parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit summa yusalli ma kutiba lahu. Il prie ce que Allah lui a facilité. Donc ici, c'est comme la porte est ouverte de faire ce que Allah t'a facilité comme prière surrogatoire. Ça va? Donc certains salafs faisaient cela. Wal muradu bidouhni, ce qui est voulu par le douhni ici, c'est atib, c'est le parfum. Wa amma dalil tajammul, quant à la preuve de l'embellissement, fa hadith Abdullah ibn Amr al-Mutaqaddim. C'est le hadith Abdullah al-Amr qui a précédé. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ightasala yawmul jumwa wa massa min tib imra'atihi إن كان لها ولابس من صال ثيابه إلى أن قال كانت كفارة لما بينهما. C'est-à-dire s'il fait tout cela, il se lave le jour de la Jumu'ah, il met le parfum, il porte le beau vêtement, jusqu'à la fin, cela sera comme une compensation, c'est-à-dire une expiation pour lui entre les deux Jumu'ah. Donc ici, il y a la preuve qui montre qu'il doit porter le beau vêtement. Donc celui qui veut connaître le dalil seulement de cette mas'ala, il mémorise le hadith. Dans le hadith, il y a le dalil de parfum, il y a la preuve de quoi? Du beau vêtement. N'est-ce pas? Il y a aussi la preuve de garder le silence. Il y a la preuve aussi de quoi? De se rapprocher de l'imam. Wa ma dalil istihbab ad-dunu min al-imam. Quant à la preuve qui montre qu'il est préférable de se rapprocher de l'imam, faqawluhu sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ghassala yawmul jumma wa ghtasal. C'est la même chose. Man ghassala wa ghtasal. C'est-à-dire celui qui se lave. Summa bakkara wa btakar. C'est-à-dire, et il va vite. Wa masha wa lam yarkab. C'est la même chose. Il marche et il monte pas sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est la même chose. Il marche. Wa dana min al-imam. Il se rapproche de l'imam, fastama wa lam yalghu. Il a écouté sans être distrait, kana lahu bi kulli khutwatin amal sana. Il aura pour lui de chaque pas qu'il va faire pour aller là-bas, l'action, c'est-à-dire d'une année. Ajru siyamiha wa qiyamiha. La récompense de son jeûne et de sa prière, c'est-à-dire d'une année. Hadithun akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Aus ibn Aus al-Thaqafi. Tayyib. Wa alaykum salam. Faut dire que le micro là s'est déchargé. Tayyib. وأما غسل غسل واغتسل se laver ici غسل واغتسل ça veut dire فمعناهما واحد c'est le même sens كقوله مشى ولم يركب marcher et il n'est pas monté sur quelque chose ومعنى بكر وابتكر c'est أي خرج إلى الجمعة باكرا il est sorti pour aller à la Jumu'ah très tôt. Ensuite l'auteur du livre dit « وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا » Celui qui a eu une raka de la Jumu'ah a eu la Jumu'ah. C'est-à-dire « مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنْ صَلَاتِ الْجُمُعَةِ » مِنْ صَلَاتِ الْجُمُعَةِ Celui qui a eu une raka de la prière de Jumu'ah, فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةِ » Il a eu la Jumu'ah. « وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكَعَةً » Celui qui n'a pas eu une raka, « أَكْمَلَ صَلَاتَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ » Il doit compléter sa prière 4 raka, fa yusalli zuhran. Il prit la prière des zuhr. Li'annahu lam yudrik al-jumu'ah. Parce qu'il n'a pas eu la jumu'ah. Wa dalilu zalika qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man adraka raka'atan min as-salat. Celui qui a eu une raka de la prière, faqad adraka as-salat. Il a eu la prière. Mutafakun ali. Wa idraku raka yakunu bi idraki ruku'. Avoir une raka est en ayant une ruku, yadullu ala zalika hadith Abi Bakra. Et cela, ce qui montre cela, c'est le hadith de Abu Bakra. Annahu, Abu Bakra avait eu une raka. C'est-à-dire, il avait le ruku. Mais lorsqu'il est venu, ils étaient déjà en ruku. Lui, il était à la porte. Donc, il a fait le ruku à la porte. Et ensuite, lorsqu'ils se sont levés, il s'est levé et puis là, il a rejoint. Donc ça vient dans certains riwayas qu'il est resté en ruku et puis il est allé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit à Abu Bakr, il dit Zadakallahu hirsan, il dit Allah t'augmente en motivation. Voilà ta route. Mais ne fais pas cela encore. Que Allah t'augmente ta motivation. Parce que ça, c'est la motivation. Mais voilà, Taoud. Ne fais plus cela. Taïb. Non. Là, ce n'est pas permis. Ah. Mais si tu le fais, là, il y a le solat. Ça va? Mais les savants disent que ce n'est pas permis de faire cela. قال المؤلف رحمه الله وهي في يوم العيد رخصة la Jumu'a est une rukhsa, est une facilité, c'est-à-dire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur la personne le jour de la fête. Le jour de la fête. C'est-à-dire إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. Si la fête se rassemble avec la Jumu'a le même jour, فصلاه الجمعة في يوم العيد رخصة. La prière de Jumu'a ce jour-là, ce n'est pas obligatoire. Ça va? Aï, rukhsa fi tarkiha, c'est-à-dire, il est permis de laisser la Jumu'a liman salla al-Eid, pour celui qui prie la prière d'Eid. Les hadiths Zayd ibn Arkam, à cause du hadith de Zayd ibn Arkam, qui dit, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sha'a an yujammi'a fal yujammi'a. Dans le hadith, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut rassembler, qu'il rassemble. Ça va? وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم، parce que معاوية posé la question à زيد بن أرقم، il dit شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع، il dit tu as assisté à la prière de Eid avec le prophète صلى الله عليه وسلم، est-ce qu'il a rassemblé les deux؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار، il a prié le Eid، le début de la journée، ثم رخص في الجمعة، ensuite il a dit, celui qui veut prier la Jumu'a, qu'il prie. Faqala man sha'a an yujammi fal yujammi. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud Nasa'i ibn Majah. Et c'est le hadith de Zayd ibn Arkam qui a d'autres shawahid qui montrent que le hadith est authentique. Donc, faman salla al-Eid, celui qui prie la prière de l'Eid, saqata an wujub hudur al-Jumu'a. L'obligation d'assister à la Jumu'a tombe. ولكن يجب على الإمام أن يقيمها. Mais il est obligatoire pour l'imam de faire la Jumu'a. Ça va? Il est obligatoire pour l'imam de faire la Jumu'a. Même si les savants, au venir sama, konka, d'autres disent que s'il y a Eid, il n'y a pas Jumu'a. D'autres disent non, il faut faire la Jumu'a. Lakin, bitatabo, avec les preuves que j'ai eues à regarder, c'est qu'ils doivent faire la Jumu'a. Ils doivent faire la Jumu'a, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith même est clair. Il a dit, man sha'a yujammi fal yujammi. Celui qui veut rassembler, qu'il rassemble. Donc ça veut dire que celui qui veut rassembler, qu'il. Mais celui qui ne veut pas, khalas. Il n'a pas le maudou. Ça va? Donc on va s'arrêter ici, bismillah. Et bismillah, la semaine prochaine, on va faire Solat Babu Solat al-Aït. Le chapitre de la prière des deux fêtes. Ça va? Awalan, ce que je vous demande ici, c'est Awalan de mémoriser la première masala. La Solat du Jumu'a est obligatoire, c'est qui et qui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce qui différencie la Salat al-Jumu'a des autres prières? La troisième des choses, le temps de Salat al-Jumu'a. La quatrième des choses, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit le jour de la Jumu'a et qu'est-ce qui est préférable? Ça va? Oui. Si vous pouvez mémoriser avec les preuves, ça serait une bonne chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et que nous guissons enfin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.